بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc le Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, il explique maintenant dans la suite de son livre l'explication de Aqidatu Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et avec son charh. Donc aujourd'hui c'est le cours 79, on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté, et c'est Al-Iman bil-Rusul, Al-Iman bil-Rusul. Donc le Cheikh il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. C'est-à-dire nous croyons qu'il n'y a pas de prophète après Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh il explique et il dit قوله ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين إلى قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده. بهذا نعرف أن مسيلمة كذاب والذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنهم أنبياء كذابون كذابون أيضا وما أكثر ما يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه وأنا أسمع أنه يوجد الآن في أفريقيا وفي آسيا أناس يدعون هذا وهؤلاء نقول إنهم كفرة ومن صدقهم فهو كافر. Donc le Cheikh il explique et il dit la parole du Cheikh ici lorsqu'il dit nous croyons que il n'y a pas de prophète après Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et bien ça c'est ça se réfère au point dans le Coran, le verset 40 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le sceau, c'est-à-dire celui qui vient sceller la prophétie, qui vient terminer et clore la série et la chaîne des messagers et des prophètes que Allah a envoyés. Donc il n'y aura pas de prophète après lui. Et c'est ainsi qu'on peut savoir que Musaylama est un menteur. Et tous ceux qui sont venus après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui disent qu'ils sont prophètes, ce sont tous des menteurs également. Et donc le Cheikh il dit, et comme ils sont nombreux à notre époque, dans certains pays musulmans, des gens qui sortent, qui apparaissent comme ça et qui disent, je suis un messager, je suis un prophète, Allah m'a révélé. On m'a révélé une révélation ou des choses de ce genre. Et il dit, et j'entends qu'il y a actuellement en Afrique et en Asie des individus qui prétendent ce genre de choses et qui disent qu'ils sont prophètes. Et le Cheikh, il dit, et ce sont des kuffars. Et tous ceux qui croient en leurs prétentions mensongères sont eux aussi des kuffars. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلزي ensuite ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. Donc il dit le Cheikh, et quiconque prétend avoir la prophétie après le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, tous ceux qui prétendent être prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui croient en celui qui prétend être un prophète, eh bien ils sont des kuffars. Parce que en prétendant être un prophète ou en croyant à celui qui le prétend, eh bien ils ont démenti le Coran et la Sunna et le consensus des musulmans. Et le Cheikh il dit, et nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc on va lire l'explication de ce point là premièrement. قوله فهذه قواعد عظيمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم فلينتبه لها فالدين الإسلامي دين متميز دين محكم لا يمكن أن ينسخ بأي دين آخر. Donc le cheikh il dit donc ce principe là que toute personne qui prétend être prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou toute personne qui croit en celui qui prétend être un prophète est kafir, hein, parce qu'il a démenti Allah et son messager et le consensus des musulmans. Ça c'est une règle parmi les grandes règles de la religion, et beaucoup d'étudiants en sciences yani, négligent ou sont indifférents vis-à-vis ou insouciants de ce principe et de cette règle. Alors il faut faire attention à ça, parce que la religion islamique, la religion de l'islam est une religion distinguée, une religion qui se distingue, une religion qui est précise et claire, hein, et détaillée, et donc elle ne peut pas être abrogée par aucune autre religion. Et le cheikh il explique donc ce point là et parmi les groupes ou certains groupes qui existent actuellement, il y en a qui prétendent être, hein, il y a des individus ou des gens qui ont prétendu être un prophète ou qui croient en quelqu'un qui s'est déclaré prophète. Et pour donner quelques exemples de ces groupes-là à notre époque, un groupe en Inde qui est apparu en Inde qu'on appelle Al-Qadianiyya. Et ce groupe-là, ou cette secte d'égarement, elle a été fondée par un individu qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, et yani, on les appelle aussi un autre de leur nom, c'est yani, les Ahmadiyya. Donc ils ont ce nom-là, ils sont connus par ce nom, hein, Al-Qadianiyya, et ils sont connus aussi par le nom de Ahmadiyya. Et leur fondateur, Mirza Ghulam Ahmad, c'est un individu qui s'est déclaré être un prophète. Hein, il s'est prétendu être un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet individu de Mirza Ghulam Ahmad, il est né en 1835 et il est mort en 1908. Donc c'est récent, hein. Il s'est prétendu être le Messie, hein, et être le Mahdi, la deuxième venue de Isa, puis il a prétendu être un prophète par la suite. Donc ça fait partie des Dajjalila, hein, pluriel de Dajjal. Donc il y a le mouvement Ahmadiyya ou le mouvement Qadiani, les deux c'est la même chose, et c'est les deux groupes qui sont des groupes considérés par les ulama de la Ummah comme étant des kuffars, des mécréants, hein, ils sont pas musulmans. Un autre groupe également parmi ces groupes, hein, c'est le mouvement qu'on appelle à notre époque le mouvement des Black Muslims, dont le chef aujourd'hui est Louis Farrakhan. Je ne sais pas s'il est mort, Louis Farrakhan, récemment, mais j'avais entendu des nouvelles comme ça qu'il était mort. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais en tous les cas, yani, le fondateur de ce groupe, c'était Elijah Muhammad, qui est né dans les années, les années 30, je pense. En tout cas, il est né dans le Détroit au Michigan. Et il a propagé parmi les Noirs américains cette idéologie qui est une idéologie de kufr, hein, puisqu'il s'est déclaré être un prophète et il prétend être musulman, mais en réalité ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et la raison de ça, c'est parce que ils prétendent que Elijah Muhammad est un prophète, et ils disent, pire encore, une parole qui est semblable à celle des chrétiens, même peut-être pire que celle des chrétiens, que Dieu est venu sur terre dans la personne d'un homme qui s'appelle Fard Muhammad. Et ils disent que cet homme-là, Fard Muhammad, c'était Allah. Et que c'est lui qui a choisi Elijah Muhammad pour être son prophète pour les Noirs américains. Donc ils ont fait du message de l'islam un message qui se limite uniquement aux Noirs, et non pas aux Blancs. Donc ils disent que les Blancs n'ont pas de place dans l'islam. Donc ils ont fait de la religion d'Allah une religion raciste. A'udhu billah. Et donc ça, c'est des égarements et des différentes croyances d'égarements qui sont totalement en contradiction avec l'islam. Et il n'y a pas de doute que celui qui croit en ça est un kafir. Et Fard Muhammad, c'est un être humain. Et la plupart des gens, ils disent que en réalité, c'était quelqu'un qui est d'origine de l'Inde et qui faisait partie des Ahmadiyya, de la secte, pas des Ahmadiyya, mais des Ismaïliyya, des Ismaïlites. Et il a donc prêché sa déviation et son égarement, parce que les Ismaïlites sont connus avec ces croyances. Ils croient que leurs imams sont des incarnations divines et des choses de ce genre. Donc c'est des choses qui existent dans la croyance des Ismaïlites, et tu retrouves justement dans la croyance des Black Muslims beaucoup de principes qui ressemblent étrangement à ceux des Ismaïlites, justement. Donc c'est des sectes complètement déviées et en contradiction totale avec la religion de l'islam. Donc c'est ça. Et de temps à autre, on entend des gens comme ça, comme le cheikh il l'avait dit, qui se déclarent prophètes et qui prétendent être des prophètes. Et tous ces groupes-là sont des kuffars. Ensuite, le cheikh il dit: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية. C'est-à-dire, nous croyons que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a des successeurs bien guidés qui lui ont succédé dans la umma, dans la science, dans la da'wa et dans le pouvoir. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ce principe-là, ce point-là. Il dit: Al-Khilafa la shakka annaha wajiba, fayajibu an yakuna lil-ummat al-islamiyya khalifatun yaqoodha bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. ولا يمكن أن تبقى الأمة بلا إمام، ولهذا كان نصب الإمام فرض على المسلمين، إذ لا قوام للأمة إلا بقائد، حتى الحيوانات لا بد لها من قائد، فمثلا الفرق من الطيور فإنه شاهد الناس الذين يعتنون بصيد الطيور أنه إذا جاء المجموعات الكبيرة منها فإذا لها قائد مقدم من الطيور تتبعه، وكذلك الظباء وهي الغزلان، إذا جاءت الطائفة الكبيرة منها لا بد لها من قائد يتقدمها من الغزلان، ولذلك كان الحذاق من الرماة إذا جاءوا الفرقة يقتلون الأمام المتقدم، فإذا قتلوه صارت الفوضى بين الفرق لأنهم ليس لهم قائد، لكنهم فورا ينتخبون واحدا منهم. سبحان الله. Le cheikh il dit, le khilafa, la succession, c'est quelque chose qui, il n'y a pas de doute que c'est une obligation. Et il dit qu'il est obligatoire qu'il y ait dans cette umma de l'islam un successeur qui la guide, hein, qui la guide par le livre d'Allah et la sunna de son messager. Hein? Et c'est pour ça que yani, il dit il n'est pas possible que la Ummah demeure sans dirigeant. Et c'est pour ça que d'établir un dirigeant, c'est une obligation pour les musulmans. Et donc il n'y a pas de disons, c'est comme si on dirait que le cheikh dit la Ummah elle n'aura pas de pilier sans avoir un dirigeant. Elle ne pourra pas se tenir sans avoir un dirigeant. Il dit même parmi les animaux, hein, même parmi les animaux, tu vas trouver qu'ils ont un guide, un chef. Il dit par exemple, quand tu vois par exemple un groupe d'oiseaux qui volent, hein, eh bien, souvent tu les vois voler et à la tête d'eux, il y a un oiseau qui les guide, un chef parmi eux, et c'est lui qui est en avant, hein, et qui les suit. Et le cheikh, il dit, les gens qui ont l'habitude d'aller faire la chasse des oiseaux, ils ont été témoins de ça. Ils disent que lorsque un grand nombre d'oiseaux arrivent, ils disent qu'on voit toujours à la tête d'entre eux un chef parmi les oiseaux. Et c'est lui qui est au devant. De même que également parmi les gazelles, les gros troupeaux de gazelles, ils disent, elles viennent et il y a toujours en avant une gazelle parmi les gazelles qui dirige les autres. Et donc les chasseurs qui sont très expérimentés, quand ils veulent chasser ces animaux-là, ils tuent toujours celui qui est en avant, hein, parce qu'une fois qu'ils l'ont tué, il y aura le désordre, hein, parmi le groupe. Et donc le cheikh il dit, parce qu'ils n'ont plus de chef, donc ils sont tous en désordre, ils sont perdus, ils sont mélangés par la suite, et aussitôt ils choisissent un d'entre eux qui va être, hein, leur chef. Et le cheikh il dit ensuite وكذلك ايضا في الغزلان قد حدثنا الناس لما كانت الجزيره العربيه فيها كثير من الظباء تتوالد وتاتي من افريقيا قبل فتح قناه السويس. يقولون نجد عشرات لها قائد غزال واحد يقودها فأول ما نبدأ بالطرف من الفرق فنصيد القائد فإذا صدناه ماجت الغزلان وسهل علينا صيدها ولكنهم يقولون سبحان الله في الحال ينتخبون أميرا ويتقدم. سبحان الله. Donc le cheikh dit de même que parmi les gazelles, même comme les oiseaux, il y a la même chose pour les gazelles. Ils disent qu'avant que le canal de Suez soit construit, les gazelles venaient d'Afrique par grands troupeaux et elles venaient jusque, hein, dans la péninsule arabe. Et à l'époque, les gens, ils les chassaient. Et donc, il dit, j'ai entendu ça de la part de ceux qui, à l'époque, hein, chassaient les gazelles. Et ils disaient qu'ils venaient par grand nombre. Et ils avaient un chef qui les dirigeait. Puis, on commençait par, hein, celui qui est à la tête. Une fois qu'on l'avait tiré, eh bien, les autres, c'était facile de les chasser. Mais ils disaient, subhanallah, aussitôt ils choisissaient un nouveau qui se mettait en avant et qui les guidait les autres. Donc le cheikh dit, فَأَقُولُ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَةِ مِنْ إِمَامٍ وَلِهَذَا كَانَ مَنْصِبُ الْخِلَافَةِ عَظِيمًا جِدًّا جِدًّا حَتَّى إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَنْ يُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ لِأَلَّا تَقَعَ الْفَوْضَى. Donc il dit, il faut qu'il y ait dans la Ummah de l'Islam un imam, hein, un dirigeant. Et c'est pour ça que le statut ou le poste de dirigeant, de successeur dans la Ummah, dans l'Islam, hein, c'est une chose très très importante. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même quand des gens partent en voyage, s'ils sont trois ou plus, ils doivent désigner un d'entre eux qui va être le chef parmi eux pour qu'il n'y ait pas de désordre lors du voyage. Un qui décide on s'arrête ici, et l'autre qui dit non, on s'arrête pas ici, on continue, et l'autre qui dit on mange, l'autre qui dit non, on mange pas ici, on... c'est le désordre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à la tête, qui décide, et les autres le suivent. Et ça, c'est bien entendu pendant le voyage. Le cheikh il dit wa qawluhu wa nu'minu bi anna lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam khulafa'a rashidin خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة بالخلف وبالخلفاء الراشدين وبالخلفاء وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نؤمن بأن هؤلاء خلفاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين علما فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دين الله وولاية على المؤمنين أي لهم الولاية والسيطرة التامة على المؤمنين ولهذا يسمون أمراء المؤمنين فيقول أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين عثمان أمير المؤمنين علي وأما أبو بكر فجمع بين أمرين بين كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين بل هو أمير المؤمنين وخليفة ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر أما عمر فهو خليفة أبي بكر حيث استخلفه أبو بكر على المؤمنين وعثمان كذلك خليفة عمر ولكن الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وهو أمير المؤمنين أيضا. Le cheikh explique que nous devons croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des successeurs bien guidés après lui qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la gouvernance de la umma, dans la science et dans la da'wa, dans la science, c'est-à-dire dans l'apprentissage de la science de l'islam, et dans la da'wa, c'est-à-dire dans le fait d'appeler et d'inviter les hommes à l'islam. Et il dit que nous croyons que donc il y a une succession, une khilafa qui était bien guidée. Et les khulafa qu'on appelle bien guidés, ou rachidoun, ce sont les quatre qui sont bien connus, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et nous croyons que ces quatre-là sont les successeurs du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été ses successeurs dans la umma, dans la science, dans l'appel à l'islam et dans la gouvernance, la gouvernance des croyants. Le cheikh il dit ilman yani fa indahum min al-ilm ma laysa 'inda ghayrihim. Pourquoi on dit dans la science? Il dit parce qu'ils ont de la science de l'islam ce que les autres ne possédaient pas. Wa da'watan, dans l'appel, l'invitation à l'islam et l'appel à l'islam, فَهُمْ دُعَاتٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِينِ اللَّهِ, parce que c'était des prêcheurs et des gens qui invitaient à Allah et à sa religion. وَوِلَايَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, on dit وِلَايَةً, c'est-à-dire dans la dirigeance et la gouvernance des croyants. Il dit parce qu'ils avaient l'autorité complète sur les croyants. Et c'est pour ça que on les appelle Umara al-Mu'mini. Comme on traduit ça des fois par les princes des croyants ou les dirigeants des croyants. C'est ça que ça veut dire. Amir al-Mu'mini, ça veut dire le dirigeant des croyants. Et on disait par exemple Amir al-Mu'mini, Omar, le dirigeant des croyants, Omar. Ou bien Uthman, le dirigeant des croyants, ou bien Ali, le dirigeant des croyants. En ce qui concerne Abu Bakr, alors lui, il a réuni deux choses. De un, il était le successeur du messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui est venu directement après lui, dans le sens que, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été le successeur, dans le sens qu'il a dirigé les croyants après le messager d'Allah, c'était Abu Bakr. Et c'est pour ça que on ne dit pas qu'il était un khalifa quelconque, hein, ou qu'il était un khalifa et qu'il n'était pas Amir al-Mu'minin. Plutôt, il était, hein, le dirigeant des croyants et un khalifa. Et il dit, il n'y a personne dans la Ummah qui peut réellement dire qu'il est le successeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à part Abu Bakr. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que Omar, eh bien, lui, il était le khalifa d'Abu Bakr, du fait que, il était le khalifa d'Abu Bakr, le successeur d'Abu Bakr, parce que il a succédé à Abu Bakr dans la gouvernance des croyants. Et Uthman, il est le successeur de Omar, parce que c'est lui qui a succédé à Omar dans la gouvernance des croyants. Hein? Et Ali, il est le khalifa de Uthman, parce que c'est lui qui a succédé les croyants après Uthman. Et le cheikh, il dit, mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, yani son successeur, c'était seulement Abu Bakr, parce que c'est lui seulement qui y a succédé directement après lui. Et il est aussi Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire c'est lui aussi le dirigeant des croyants, ou le gouverneur des croyants. Le cheikh, il dit, وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى الْوَصْفِ الْخَاصِ مَعَ وُجُودِ الْوَصْفِ الْعَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لَيْتَ أَنَّا نَرَى إِخْوَانَنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ لَا أَنْتُمْ أَصْحَابِي إنما إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي فهل المعنى أنتم أصحابي لستم إخواني الجواب لا فهل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني يعني الجواب لا والمعنى بل أنتم أصحابي والصحبة أخص من الأخوة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد ينفي وصفا لوجود وصف هو أخص منه. الشيخ الزي le fait que parce que pourquoi le cheikh il explique ça maintenant, parce que les khulafa qu'on a appelé Amir al-Mu'minin, c'est en général les khulafa qui sont venus après Abu Bakr. On a appelé Omar Amir al-Mu'minin, on a appelé Uthman Amir al-Mu'minin, hein? Et je pense que Ali radiallahu anhu, lui, il n'a pas voulu qu'on l'appelle Amir al-Mu'minin. Allahu a'lam, si j'ai bien compris, c'était ça. Et les khawarij l'ont blâmé de ça. Ils ont dit, pourquoi Ali radiallahu anhu, il refuse de s'appeler Amir al-Mu'minin? S'il n'est pas Amir al-Mu'minin, donc il est Amir al-Kafirin. Vous voyez leur compréhension complètement simpliste, hein, et ridicule. Alors, Abdullah ibn Abbas, il lui a répondu en disant, non, ça ne veut pas dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lorsqu'il a signé l'entente de paix avec les mouchriquins dans Al-Hudaybiyah, il a signé, hein, min Muhammad Rasulillah. Les mouchriquins, ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord, parce que si on acceptait que tu es le messager d'Allah, on n'allait pas te combattre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'accord, Allah il sait que je suis le messager d'Allah, écrit Muhammad fils d'Abdullah, hein, ibn Abdullah, et il a écrit Muhammad ibn Abdullah. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'écrive pas Rasulullah, ça ne change rien à la réalité qu'il est le messager d'Allah. Donc, Abdullah ibn Abbas a répondu ça aux Khawarij. Les Khawarij sont restés fermés, bouche bée, ils ne pouvaient plus rien dire. Donc ça, c'est un point. Et ici, le cheikh, il explique en voulant dire que on n'appelle pas Abu Bakr Amir al-Mu'minin, n'empêche qu'il est Amir al-Mu'minin et plus encore, puisqu'il est Khalifatu Rasulillah. Il est le successeur du messager d'Allah. C'est-à-dire, il a succédé directement au messager. Hein? Donc, le cheikh, il dit, ça, c'est la preuve que parfois, on se limite à une description plus particulière alors qu'il y a une description plus générale. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, si seulement j'aurais vu mes frères. Alors, les sahaba, ils ont dit, oh, messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui viennent après moi et qui croiront en moi. Alors le cheikh dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que quand il dit vous êtes mes compagnons, ça veut dire vous n'êtes pas mes frères? La réponse, non. Mais plutôt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous êtes mes compagnons, et le fait d'être un compagnon, c'est encore plus particulier que d'être un frère. Ça veut dire vous êtes mes frères et plus encore, vous êtes mes compagnons. Hein? Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne il va par exemple nier une description parce qu'il y a une description plus particulière qu'elle qui prend le dessus sur celle-là. Et il dit ici fahuna Abu Bakr khalifatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa amir al-mu'minin aydan li anna يعني إمارته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين كل المسلمين بايعوا له فكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والعجب أن الرافضة يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهو قد بايع أبا بكر وبايع عمر يعني أنه كذاب فيما يقول وأنه منافق يعني بايع على خلاف ما في قلبه وهذا أكبر طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع ذلك يدعون أنهم أولياؤه وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون فعلى كل حال نحن نقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفوه خلفوه أو خلف نعم خلفوه في الأمة علما ودعوة وولاية فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته في هذه الأمور الثلاثة. Donc le cheikh il explique que Abu Bakr رضي الله عنه il est donc خليفة du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم son successeur et il est aussi أمير المؤمنين. Hein? Parce que sa gouvernance sur les croyants, elle est établie par le consensus des musulmans. Par le consensus des musulmans, parce que tous les musulmans ont donné l'allégeance à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et il dit donc, tous les croyants témoignent que c'est lui, après le messager, c'est lui le meilleur de la Ummah. Hein? Et il dit, même Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il était sur le mimbar dans la ville de Koufa, hein, et il disait et il déclarait de façon claire et explicite que le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui les Rafida, hein, les Shia Rafida, ils prétendent que le vrai Amir et le vrai successeur, ça devait être Ali. Et pour pourtant il démente Ali et il traite Ali de menteur radiyallahu anhu. Parce que lorsque Ali radiyallahu anhu disait que Abu Bakr est le meilleur de cette umma et ensuite Omar, et que Ali radiyallahu anhu, quand on sait qu'il a lui-même donné l'allégeance à Abu Bakr et il a donné l'allégeance à Omar, donc ça veut dire quoi ça? Il est un menteur selon eux. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'allégeance alors que dans son cœur il n'était pas d'accord avec eux et il était contre leur gouvernance. Donc comment aurait-il donné la bay'a à Abu Bakr et à Omar alors que dans son cœur il ne croit pas en leur gouvernance? Ça veut dire qu'il considère qu'il est un menteur et qu'il considère qu'il est un hypocrite selon leur jugement, selon leur position. Parce que c'est une contradiction. Et ça, c'est la plus grande attaque et la plus grande insulte contre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de dire ce genre de choses contre lui. Et malgré ça, ils prétendent être ses défenseurs et être ses supporters et de vouloir défendre Ahlul Bayt, alors qu'ils sont les premiers à les insulter et à les dénigrer. Et comme le cheikh il dit, et ils ne sont pas ses alliés, car ses alliés ne sont que les pieux, comme il dit dans le verset, Allah dit dans le verset 34 dans sourate Al-Anfal à propos de la Kaaba. Et ça c'est juste un exemple que le cheikh il utilise le verset comme un exemple pour mentionner qu'ils ne sont pas les alliés de Abu Bakr, même s'ils prétendent l'être. Et ils ne sont pas les alliés de Ali ibn Abi Talib, même s'ils prétendent être ses alliés. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, وَبِأَنَّ يعني وَنُؤْمِنُ وَبِأَنَّ أَفْضَلَهُمْ وَأَحَقَّهُمْ بِالْخِلَافَةِ أَبُو بَكْرٍ السِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il dit, le Cheikh, et nous croyons que le meilleur d'entre eux, parmi les quatre khulafa rachidin, c'est celui d'entre eux qui avait le plus de mérite ou qui méritait plus d'être un successeur après le messager d'Allah, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Maintenant le cheikh il explique ça. Il dit nu'minu bi annahu afdaluhum wa annahu ahaqquhum bil khilafa amma kawnuhu afdaluhum wa ahabbahum ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa li annahu su'ila أي الرجال أحب إليك فقال صراحة أبو بكر وقال علنا على المنبر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليلا لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire nous croyons que Abu Bakr radiyallahu anhu c'est le meilleur parmi les khulafa, le meilleur de cette umma et celui qui mérite le plus d'être un khalifa. Et il dit, et le fait qu'il soit le meilleur et le plus aimé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hommes, parce qu'on lui a posé la question, lequel des hommes est le plus aimé de toi, ô messager d'Allah? Il a dit explicitement que c'est Abu Bakr, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, radiyallahu anhuma. Parce qu'ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle personne est plus aimée de toi? Il a dit, Aisha, radiyallahu anha, il dit, et parmi les hommes, il a dit, Abouha, son père, c'est Abu Bakr. Non, awwal man amana min ar-rijal, le premier parmi les hommes, les adultes qui ont cru en l'islam, c'est Abu Bakr. Et c'était son ami, même avant l'islam. C'était l'ami du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'islam. Et il n'a jamais adoré l'idole. Même avant l'islam, il était un hanif. Naam. Le cheikh il dit, et lorsqu'il était sur le minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais prendre parmi les êtres humains un khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil. Hein? Mais je suis le khalil d'Allah. Et donc le cheikh explique que le khalil, c'est celui dont l'amour est pur et dont l'amour est dans le degré le plus élevé pour lui. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'aimer dans sa umma quiconque au point qu'il soit son khalil, parce que son cœur était rempli de l'amour d'Allah azza wa jalla. Et le cheikh dit wa nu'minu kadhalika bi annahu أحقهم بالولاية لوجود شواهد كثيرة من أهمها ما يلي. Donc là le cheikh il va énumérer des éléments qui prouvent que Abu Bakr radiyallahu anhu c'est celui qui méritait le plus d'être le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il commence en disant, et parmi les témoignages et les points qu'on peut mentionner, les plus importants sont les suivants. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في إمامة الصلاة والصلاة أفضل شعائر الإسلام فجعله خليفة له عليهم في أعظم شعائر دينهم وهي الصلاة فكيف لا يكون خليفة في أمور دنياهم. Donc le cheikh dit, premièrement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il a désigné Abu Bakr, radiyallahu anhu, pour que ce soit lui qui dirige les musulmans comme imam dans la salat. Et il a insisté pour que ce soit Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et la salat, c'est le rite le plus important parmi tous les rites prescrits dans l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc que celui qui le succède dans la salat, qui est le rite le plus important dans la religion, c'est-à-dire la salat, donc que ce soit Abu Bakr qui lui succède dans ça. Alors comment ne serait-il pas dans ce cas-là le successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les affaires de la dunya des musulmans. Deuxièmement, ثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة والحجاج دائرتهم والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة يعني أوسع ممن في المدينة فجعله الأمير عليهم. Deuxièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a désigné également Abu Bakr radiyallahu anhu comme guide pour les hujjaj pendant le hajj de la 9e année après la hijra. Donc c'est lui qui allait être à la tête des hujjaj et diriger les hujjaj pendant le hajj de cette année-là, la 9e année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme son représentant. Et c'est clair que le fait d'être le dirigeant ou le chef, celui qui guide les hujjaj, c'est beaucoup plus grand que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que la ville de Médine, parce que là c'est tous les musulmans de toutes les différentes parties de l'Arabie qui vont venir pour faire le hajj. Donc lui, Abu Bakr radiyallahu anhu, dans ce cas là c'était lui l'amir du messager d'Allah pour tous ceux qui partaient faire le hajj cette année là parmi les musulmans. Troisièmement, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في المسجد باب إلا باب أبي بكر مما يدل على أنه الخليفة بعده حتى يسهل وصول الناس إليه لأن بابه في المسجد وحتى يسهل وصوله وهو أيضا إلى الناس. Donc le cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ce que toutes les portes qui mènent à la mosquée, parmi les gens qui avaient une entrée directe à la mosquée de leur maison. Hein? Vous savez que la mosquée, il y a des maisons qui sont collées autour, parmi les maisons des sahaba. Et donc, plusieurs parmi les sahaba avaient une porte, un accès direct à la mosquée par une porte entre eux et leur maison. C'est-à-dire que lorsqu'ils voulaient rentrer à la mosquée, ils n'avaient pas besoin de passer par l'extérieur. Ils pouvaient uniquement ouvrir la porte et ils étaient directement dans la mosquée. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que toutes ces portes-là soient fermées, soient bloquées, excepté celle de Abu Bakr. Et le cheikh il dit pourquoi? Il dit ça indique que c'est lui qui devait être le khalifa après lui, et pour que les gens puissent accéder facilement à sa porte, hein, donc il a ordonné que toutes les autres soient fermées excepté la sienne, et pour que ce soit facile pour lui aussi d'accéder à la mosquée et vers les gens. Rabi'an anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala لامرأة أتته في حاجة فوعدها العام القادم قالت أرأيت إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. وهذا كان النص الصريح على أنه الخليفة من بعده. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنين إلا أبا بكر. الأدلة على هذا كثيرة ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر؟ نعم بايعوه كلهم، إلا أنه قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايعه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، وقد ماتت بعده بأشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أنها رضي الله عنها عتبت على أبي بكر رضي الله عنها حين منعها من ميراث أبيها في فدك والمدينة وغيرها، فغضبت عليه لما منعها من ميراث أبيها، لكن أبا بكر قال والله إن قرابة الرسول أحب إلي من قرابتي، ولكن لا أورثها شيئا لم يجعله الله لها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، وكيف أعطيها هذا؟ فمنعها، وهذا من شجاعته رضي الله عنه، فهي امرأة صار في نفسها شيء، ويقال إنها لم تبايع أبا بكر، وأن عليا رضي الله عنه أجل المبايعة لتطيب قلب فاطمة، وربما كان يراودها أن تبايع هي، والله أعلم. على كل حال on va traduire cette partie là, après on va traduire le reste. Le cheikh il explique que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit une fois à une femme justement qui était venue pour quelque chose, hein, qui est venue pour lui demander quelque chose, et il lui a promis de lui donner ou de lui répondre l'année suivante, hein, lui a dit, viens l'année prochaine. Alors, il a dit, et si je ne te trouve pas, si je ne te trouve pas l'année prochaine, il a dit, alors va voir Abu Bakr. Hein? Et donc, il dit, ça c'est un autre exemple qui est une preuve explicite que ça devait être lui le successeur après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, comme c'est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aisha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Ya'ballahu wal-mu'minun illa Aba Bakrin. C'est-à-dire, Allah et les croyants refusent accepter Abu Bakr. C'est-à-dire, ils ne vont accepter que Abu Bakr, c'est ça que ça veut dire. Et les preuves de ce genre sont nombreuses, il y en a beaucoup d'autres. Et il n'y a pas de doute donc que Abu Bakr, c'est lui le meilleur de cette Ummah, celui qui mérite le plus d'être le successeur du messager d'Allah. Et il dit, est-ce que les sahaba ont donné l'allégeance à Abu Bakr, radiyallahu anhu? Il dit oui, ils ont tous donné l'allégeance à Abu Bakr, excepté que on a dit que Ali radiallahu anhu, il ne lui a pas donné la bay'a tout de suite, il lui a donné la bay'a que lorsque Fatima radiallahu anha est décédée, et elle est décédée après lui quelques mois, hein, elle est décédée quelques mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pourquoi il n'a pas donné l'allégeance tout de suite, c'est que Fatima radiallahu anha, elle blâmait Abu Bakr. Pourquoi? Parce que il ne lui a pas donné l'héritage de son père, hein, elle dit qu'il ne lui avait pas donné l'héritage de son père et était fâchée contre lui à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas donné l'héritage de mon père. Il dit, mais Abu Bakr radiallahu anhu a dit, par Allah, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, je les aime plus que ma propre famille. C'est-à-dire les proches du messager d'Allah, je les aime plus que les proches de ma propre famille. Mais je ne vais pas donner quoi que ce soit en héritage à quelqu'un que Allah ne lui a pas donné. Et il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, on ne laisse rien en héritage. Ce que nous laissons est une sadaqa. Ce que nous laissons après notre mort est une sadaqa, c'est-à-dire c'est une aumône. Alors comment je pourrais lui donner, hein, comment je pourrais lui donner ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé? Alors il lui a refusé. Et il dit, ça fait même partie de son courage. Hein, de son courage. Et il dit, c'est une femme. Et donc, elle avait quelque chose en elle contre lui à cause de ça. Et donc, certains ont dit que elle n'a pas donné l'allégeance à Abu Bakr et que Ali, radiallahu anhu, il a retardé son allégeance pour apaiser le cœur de Fatima, radiallahu anha, et également aussi c'est lui qui s'occupait d'elle alors qu'elle était malade. Et donc ou bien il yurawiduha, il essaie de l'encourager à faire l'allégeance elle aussi. Allahu a'lam. Il dit Allahu a'lam. Il dit walakin Ali radiallahu anhu بايع كما بايع الناس وكان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو خليفة لا يخشى أحدا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنك يا علي كان لا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق. Donc il dit, mais par contre, après Ali radiallahu anhu, il a donné l'allégeance à Abu Bakr comme tout le monde. Et il dit, et lorsqu'il était khalifa et qu'il était en Irak dans la ville de Koufa, et qu'il ne craignait personne, il a dit, le meilleur de cette umma après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar. Alors que les Rafidah, il n'y a personne au monde qu'ils détestent plus que Abu Bakr et Omar. Même qu'ils les appellent Sanamay Quraysh. Ils disent les deux idoles de Quraysh. Hein? Ils disent qu'à la fin des temps, le Mahdi, quand il va venir, hein, le Mahdi al-Muntazar, eux, ils disent, le Mahdi, il est né depuis 1200 ans. Il est en état d'occultation en ce moment, il est invisible, on ne peut pas le voir. Et depuis 1200 ans, il se promène sur la terre. À la fin des temps, il va apparaître, il va venir, et il va arriver à Médine, il va aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va faire sortir les deux cadavres d'Abu Bakr et Omar, et il va les faire revivre et il va les châtier. C'est ça leur aqida. Non. A'udhu billah. Donc, Ali radiallahu anhu, il dit, les meilleurs de cette umma, c'est Abu Bakr, hein, et Omar, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la parole de Ali. Et eux, ils disent, hein, ils les insultent et ils font du fait de les insulter, ainsi que les autres parmi les sahaba et également Aïcha radiallahu anha, ils les insultent et ils pensent que ça c'est une adoration et que Allah leur donne des hasanats chaque fois qu'ils insultent les sahaba. Naam, ils pensent qu'ils ont des hasanats chaque fois qu'ils insultent les sahaba, wal'iyadu billah. Donc il n'y a pas de doute que ces gens-là ne sont pas des musulmans, parce que des musulmans ne peuvent pas agir comme ça. Et le cheikh, il dit ensuite, ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Il dit, قوله ثم عمر بن الخطاب الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر. يعني أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين وإذا كان هو خليفة على المسلمين فتصرفه في تولية الخليفة صحيحة بمقتضى الشريعة لأنه ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف فله أن يخلف من يراه أهلا للخلافة ثم إنه رضي الله عنه لم يخلف أحدا من أبنائه أو أقاربه وإنما خلف رجلا يرى أنه خير الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه ولاية أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر. الشيخ explique que celui qui a succédé à Abu Bakr رضي الله عنه c'est Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Et comment s'est produit, ou comment est arrivé son allégeance ou la bay'a pour Omar ibn al-Khattab? Eh bien, c'est à cause de la désignation de Abu Bakr. C'est-à-dire que c'est Abu Bakr, lorsqu'il était khalifa, qui a désigné que son successeur serait Omar ibn al-Khattab. Donc il a dit, celui qui va me succéder après moi, ce sera Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui va être le khalifa. Alors, ça veut dire que Abu Bakr a désigné, il a donné l'engagement du khilafa à Omar sur les musulmans. Donc, étant donné que c'était lui le khalifa et qui était le successeur et dirigeant des musulmans, alors il a le droit de désigner et de donner la gouvernance à celui qui va le succéder. Et ça, dans ce cas-là, c'est une succession authentique et valable, en accord avec la charia, du moment que qu'il est lui-même le khalifa, il a le droit de choisir un successeur qu'il considère comme étant apte à être un khalifa. Puis, il n'a pas non plus donné le khilafa à un de ses proches, parmi ses fils ou parmi les proches de sa famille. Plutôt, il a donné le khilafa à un homme qu'il voyait, qu'il considérait comme étant le meilleur des hommes, hein, pour la Ummah. Yani, il dit donc, ça veut dire que يعني أنه لا يتهم. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut l'accuser d'avoir mis comme successeur Omar, puisqu'il n'a aucun lien de parenté avec Omar. Hein? Les gens ne peuvent pas dire, ah, tu l'as mis au pouvoir, ou tu l'as désigné parce que c'est ton frère, ou parce que c'est ton fils, ou parce que c'est ton proche. Hein? Non. Après, le cheikh, il dit, ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه قوله ثم عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان تولى عن طريق الانتخاب ولكن ليس على انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم بل انتخاب بالحق انتخاب الحق والعدل إذ وذلك أن عمر رضي الله عنه شديد الورع وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره وإلا لكان له أسوة بأبي بكر فكان يسلي نفسه ويقول إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم يتشاورون من يتولى الخلافة وجعل ابنه عبد الله يشاركهم لكنه لا يشاركهم في الرأي بل يحضر الجلسات فقط تطييبا لقلبه وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وفق المنهج الصحيح السليم لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكروا من شروط لكن تهيب من ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره. Donc ça c'est l'explication de qu'est-ce qui s'est passé par rapport au khilafa de Uthman. Comment Uthman a reçu le khilafa? Eh bien, on a dit que Omar ibn Khattab, il a été désigné par Abu Bakr pendant sa vie. Tandis que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il allait mourir, le cheikh il explique que Uthman a été choisi. Il a été choisi par élection. Mais il dit, mais c'est pas une élection à la façon des Occidentaux, comme dans la démocratie ou le suffrage universel. Non. C'est plutôt, parce qu'il dit, les élections chez les Occidentaux, chez les Koufars, ça c'est basé sur l'argent. Dinar ou dirham. C'est vrai. Le kuffar, tout est basé sur l'argent. Parce que pour être un candidat, il faut avoir des millions de dollars. Pour être dans un parti, ton parti, s'il va avoir des voix, il faut qu'ils aient des millions de dollars aussi. Sinon, comment ils vont faire toutes ces campagnes publicitaires, toutes ces affiches, tous ces panneaux, toutes ces annonces publicitaires, tous ces trucs-là? Ça prend de l'argent, hein? Et si tu vois les campagnes américaines, les campagnes électorales au Canada, en Europe, c'est des millions de dollars, hein? Et souvent, celui qui a plus d'argent, qui a plus de moyens, c'est lui qui gagne. Et là, maintenant, on voit que dans certains pays, certains de ceux qui avaient gagné les élections, on les accuse justement d'avoir triché parce qu'ils ont reçu de l'argent de l'extérieur, de certains endroits. On ne va pas mentionner d'exemple, mais c'est juste pour qu'on comprenne de façon générale. Pourquoi ? Parce que c'est une question pour eux. Tout est basé sur l'argent, hein ? Plus tu as d'argent, plus que tu as une grosse campagne, plus que tu vas être vu, plus que les gens vont entendre parler de toi, plus qu'ils vont voter. Donc tout ça c'est basé sur l'argent, sans compter que aussi si tu as de l'argent, tu peux même acheter des votes. Hein? Tu dis, tous ceux qui votent pour moi, je vais lui donner ça ou je vais lui faire ça. Bien entendu, ils ne le font pas ouvertement, ils le cachent, mais il y a des choses comme ça qui existent. Tout ça pour dire que ce système-là, il n'est pas approuvé par l'islam parce que c'est un système corrompu. Le système démocratique occidental, c'est quelque chose que l'islam rejette. Et pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les prophètes de l'islam qui sont venus avant Jésus, hein, et Moussa alayhi salam, et tous les prophètes, Suleyman, Daoud, hein, Yaqub et Ibrahim, et nous, on n'a jamais entendu parler que l'un d'entre eux a accepté un système politique qui s'appelle la démocratie. Ça n'a jamais existé, ni dans le Coran, ni dans l'Injil, ni dans la Torah, dans aucun livre que Allah a révélé à l'humanité. Donc, ici, le cheikh, il dit, comment donc il a été choisi, Uthman radiallahu anhu? Eh bien, il a été choisi d'une manière qui est juste et qui est basée sur la vérité. En fait, c'est que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il était très pieux, hein, et il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, et au moment de sa mort, il ne voyait pas quelqu'un comme étant plus méritant d'être le khalifa que l'autre parmi ceux qu'il connaissait parmi les sahaba. Alors il a dit, c'est sûr que Abu Bakr radiallahu anhu, lui, il l'a désigné, donc lui, il a été le khalifa. Donc il dit, si je veux choisir quelqu'un et le désigner comme Abu Bakr l'a fait, alors j'ai un exemple, hein, dans ça. Abu Bakr l'a fait avant moi. Et il dit, si je ne choisis pas personne ou si je désigne pas personne après moi, eh bien j'ai un exemple meilleur que moi encore dans ça aussi, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désigné quelqu'un de façon explicite après sa pour être son khalife après sa mort, mais il dit donc qu'est-ce qu'il a choisi de faire. Il a considéré, selon son opinion, de laisser le choix de son successeur entre un nombre d'entre les compagnons et de laisser l'affaire se choisir par consultation entre eux. Hein? Et si tu regardes les gens qui ont été désignés par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu pour justement faire partie du nombre de ceux parmi qui on pourra choisir le khalifa, tu vois que c'est parmi les 10 qui ont été promis au paradis. Hein? C'est-à-dire qu'il n'a choisi que les meilleurs d'entre les sahaba. Et parmi eux, ceux dont je me souviens, il y avait Ali radiallahu anhu, il y a Uthman, il y avait Abdurrahman ibn Auf, il y avait, je crois, Sa'd ibn Abi Waqqas, il y avait Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Abu Bakr était décédé déjà. Alors, parmi ceux qui sont Abdullah, oui, peut-être Abdullah ibn Zubayr aussi, Allahu a'lam, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y en avait, je crois, 6. Mais c'est-à-dire, moi je ne parle pas des Mubashirina bil Jannah maintenant, mais je dis que ceux que Omar a choisi pour faire partie de la Shura, ils faisaient partie des Ashra al-Mubashirina bil Jannah. C'est ça que je veux dire. Et il a choisi, il a dit, il a désigné que son fils devait être présent, pas pour participer à la Shura, mais juste pour être témoin. Hein? Il a dit, vous n'avez pas le droit de le choisir, lui. Il va juste être là pour regarder et pour superviser, c'est tout. Hein? Et finalement, ils ont, je pense qu'il y en a deux parmi eux ou trois qui ont laissé leur vote à deux d'entre eux. Finalement, l'affaire s'est arrêtée à Uthman et Ali. Il restait ces deux-là. Puis, Ali radiallahu anhu s'est désisté. Il a dit, non, moi, je le prends pas. Alors, Uthman radiallahu anhu, c'est lui qui a accepté à ce moment-là. Et c'est lui, donc, qui a été choisi comme étant khalifa. Ils lui ont donné l'allégeance. Ils lui ont donné la bay'a. Donc, on dit, par rapport à ça, que le khilafa d'Uthman, il a été en accord avec la méthodologie authentique et propre et saine, hein, de l'islam. Parce qu'il a été choisi parmi des membres, parmi des gens qui ont été désignés par Omar lui-même. Et c'était lui le khalifa. Et ces membres-là ont été désignés selon les implications de la charia. Puis, ils ont choisi entre eux Uthman radiallahu anhu selon les principes de la charia aussi et selon qu'est-ce qui est impliqué par la charia, parce que ils ont choisi et désigné Uthman et Ali. Puis ensuite, quand on a présenté, hein, la chose à Ali et qu'on lui a, hein, expliqué les responsabilités et les conditions, yani, il a préféré ne pas le faire, hein, ne pas le prendre, et Uthman radiallahu anhu a accepté. Il est donc devenu le khalifa. Et les gens lui ont donné l'allégeance. Donc on voit que c'est pas du tout comparable à qu'est-ce que les koufars font, par exemple, comme élection ou des trucs de ce genre. C'est pas tout le monde qui ont eu un mot à dire dans la décision. C'est uniquement les sahaba qui avaient été désignés par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et c'est eux qui avaient une voix seulement, d'accord, et non pas le reste des gens. Le cheikh il dit ensuite, thumma Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ajma'in, et ensuite celui qui a été le successeur, hein, de Uthman radiallahu anhu, et bien c'est Ali, c'est lui qui a été le khalifa après Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Et le cheikh, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le cheikh dit, wa qawluhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alat ilayhi al-khilafa bila shak ba'da Uthman, walakin lam takun al-khilafatu fi ahdihi mahal attifaqin bal kharaj alayhi man kharaj, walakin bita'wilin yani hisabuhum ala Allahi fih وحصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وجعل بأس الناس بينهم، ولكن مع ذلك نحن نقر بأن الخليفة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه لا حق لمعاوية ولا غيره في الخلافة، وبعد موت علي صار الخليفة من بعده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه خلافة بمقتضى الشريعة، ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر حين تمت 30 سنة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، فتنازل عنها لمعاوية تنازلا شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله للحسن رضي الله عنه إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أما أخوه الحسين فقد شاركه السيادة في الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه، وهو أفضل من الحسين بلا شك، لما له من الأيادي الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى إليها أكثر الناس، تنازل عنها من أجل الإصلاح وحقن الدماء. فهو حقيقة هو الذي فدى الناس بتنازله عن الخلافة، فجزاه الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que ensuite après Uthman radiyallahu anhu, le khalifa a été Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il n'y a pas de doute donc que c'est lui qui a été khalifa après Uthman. Sauf que le khilafa de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu n'a pas été selon l'accord général. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes à son époque qui s'étaient rebellées contre lui. Yani à cause d'une interprétation que certains d'entre eux ont eue, et Allah bien entendu va les juger pour ça. Et il dit il y a eu une grande épreuve, une grande fitna, une grande tribulation. Et il y a eu beaucoup de divisions après l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Donc à cause de ça, les gens se sont battus entre eux, il y a eu des problèmes. Toutefois, il n'y a pas de doute et nous déclarons clairement que le khilaf, c'est celui de Ali ibn Abi Talib, et que Muawiyah radiyallahu anhu n'avait pas de part dans le khilaf, ni aucun autre parmi les sahaba à ce moment-là. Et il dit, et après la mort de Ali radiyallahu anhu, c'est son fils Al-Hassan qui a succédé au khilafa selon les règles de la charia. Mais à cause de son succès, à cause de sa dirigeance, à cause de son honneur, il a lui-même choisi après 6 mois de laisser le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu pour réunir les musulmans et cesser la division et stopper la fitna. Et aussi parce que les 30 ans étaient passés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, le khilafa après moi sera pendant 30 ans. Donc, il a lui-même abandonné le pouvoir et il a laissé la place à Muawiyah radiyallahu anhu selon la charia. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé déjà auparavant, il a dit que mon fils, c'est-à-dire Al-Hassan, mon fils que voici, est un Sayyid, c'est un maître, un chef. Il dit, et peut-être que Allah va faire de lui une cause de la réconciliation entre deux groupes de musulmans. Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Bakra. Le cheikh, il dit que il a donc reçu le titre de Sayyid dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà aussi. Et en ce qui concerne son frère Al-Hussein, eh bien, il aura le partage aussi, ou une part de cette siyada aussi dans l'au-delà, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hassan et Al-Hussein seront les maîtres des jeunes parmi les habitants du paradis. Tandis que Al-Hassan, lui, il a ce statut de Sayyid dans cette vie et dans l'au-delà. Il est donc meilleur que son frère Al-Hussein, sans aucun doute, parce qu'il a eu un grand mérite et une grande faveur sur les croyants de façon générale dans le fait qu'il a abandonné lui-même le khilafa pour stopper cette tribulation et ces problèmes qu'il y avait entre les musulmans et réconcilier la umma et protéger et préserver le sang des croyants. Et donc il a, à cause de cet exemple qu'il a laissé, un grand mérite. Et donc on demande, et le cheikh dit que Allah le récompense en bien pour la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour cette attitude noble qu'il a eue à cette époque-là. Alors que la plupart des gens, ils courent vers le pouvoir et ils font tout pour le posséder. Et lui, radiyallahu anhu, il a décidé de l'abandonner et de le laisser pour réunir les musulmans. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum inshallah. Allahu Akbar, Allah.